Bonjour et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose de réécouter cette semaine une série d'émissions sur les philosophies d'Iran diffusées en décembre 2017. Imaginez une foule, des milliers de personnes amassées devant la grille d'un bâtiment où se trouve Mohsen Makhmalbaf, l'un des réalisateurs les plus populaires en Iran, qui a publié une annonce invitant tous les citoyens à passer un casting pour jouer dans son prochain film. La foule se presse, se piétine, jusqu'à ce que Makhmalbaf lui-même s'empare d'un mégaphone pour leur annoncer « Bienvenue dans votre propre film ». Elle est en route sur les chemins de la philosophie, en direction du film dont vous êtes le héros. Bonjour Mamad Arirat. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Mais c'est un plaisir, vous êtes réalisateur et critique de films iraniens. Vous avez dirigé pendant de longues années le cinéma Quartier Latin. Dites-moi, est-ce qu'en Iran, quand les gens vont au cinéma, est-ce que c'est la même ambiance que ce qu'on est en train d'écouter? Beaucoup plus que ça. C'est vrai? Oui. En fait, au moment où il y avait la révolution islamique en 79, certaines religions, ils ont commencé à casser toutes les salles, une bonne partie des salles de cinéma, parce que c'était mal vu par les religieux. Et du coup, ils ont pris leur revanche après la révolution, les mêmes personnes qui ont boudé d'une manière cinéma. Cela est arrivé tout de suite après la révolution, c'est-à-dire au moment où Khomeini est allé en Iran et que les religions qui ont pris le pouvoir, ils ne savaient pas quoi faire avec le cinéma, justement, parce que c'était très très mal vu par les religions avant la révolution, comme par exemple par mon père qui me battait quand j'allais au cinéma. Il vous battait? Eh oui, parce que c'était un quand péché. Quand j'allais au cinéma, c'était un péché. Ouais. Eh oui. Et du coup, donc, c'était très mal vu par les religieux, surtout les ayatollahs, les mollahs, machin et tout. Mais un jour, Khomeini arrive au pouvoir, et quelques mois après, il voit un film à la télévision iranienne, tout à fait par hasard, qui s'appelle « La vache » de Dariush Mehrtoui, qui est un grand film de l'histoire du cinéma iranien, et ça lui a beaucoup plu. Et il a dit justement qu'il n'a rien contre le cinéma. À partir de ce moment-là, le cinéma est devenu officiel et il est un peu islamisé. Les organes de régime, ils ont essayé un peu islamiser le cinéma. C'est-à-dire de montrer des films sans les scènes de danse, ni la musique, on ne boit pas de l'alcool, etc. Donc qu'ils soient propres à l'image. Et Khomeini lui-même, quand il était à Paris, il se rend compte de le pouvoir du cinéma, de l'image surtout, parce qu'on l'a beaucoup utilisé lui-même et ses entourages, ils ont beaucoup utilisé le pouvoir, la force de l'image pour inviter les gens de sortir dans la rue, crier contre le régime, etc. Donc, ce que vous alors, dites, pendant un certain temps, donc le cinéma était un peu boycotté au début de la révolution, jusqu'à 83, 84, et à partir de là que le cinéma iranien redémarre. Et surtout, il y a trois types de cinéma iranien qui redémarrent. Alors, j'écoute d'abord votre question et après on continue. Pour être sûr de bien vous avoir compris, je voulais juste préciser que quand Khomeini parvient à populariser le cinéma en Iran, c'est d'abord comme un vecteur d'islamisation. Oui. Alors, en fait, comme lui-même, il n'est jamais allé au cinéma. Ah, d'accord. Non. Alors, quand il était ici à Neuf-le-Château et que tous les jours, ou presque tous les jours, TF1, il faisait une émission en direct avec lui, et qu'il a vu que ça donne une bonne propagande pour lui, une fois arrivé en Iran, finalement, il a compris qu'il faut mieux utiliser ce phénomène qui est pour lui... Comme une arme de pouvoir, alors. Exact, finalement. Exact. D'accord. Et à partir de là, donc, vous dites qu'il y a trois types de cinéma. Alors, à iranien. Partir de là, donc, tous les organes de l'État commençaient à favoriser, disons, un peu le cinéma, mais pas n'importe quel cinéma. Ils voulaient faire un cinéma islamiquement correct. Ce que j'ai dit dans mon livre. Et là, ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire, il essayait de ne pas montrer dans le film. La première des choses qu'il a fait, ils ont boycotté tous les films étrangers, surtout les films américains, sur les écrans. Donc ça a favorisé un peu le cinéma national. Et du coup, il n'y avait pas assez de films pour sortir sur les écrans. Ils ont donné plein d'argent aux gens qui ont été dans la lignée de régime pour faire des films de propagande pour la guerre. Parce que tout de suite après, il y avait la guerre qui a commencé entre l'Iran et l'Irak en septembre 80, donc juste un an après le début de la révolution. Et donc, ils avaient besoin d'envoyer les gens sur le front. Et le cinéma était un bon moyen pour exciter ou encourager les gens, les jeunes et le reste, pour que les gens ils voient ces genres de films et aller à la guerre. Donc, ils ont utilisé ça. À partir de là, petit à petit, les intellectuels iraniens qui ont déjà fait des films avant la révolution, ils cherchaient une voie pour voir comment eux, ils peuvent trouver leur place. Déjà, je précise qu'il y a plein de gens qui sont quittés l'Iran, des cinéastes, ou tous les gens qui ont été dans le milieu cinématographique, parce qu'on a confisqué toutes leurs salles. Une bonne partie, et tout est allé dans la main de l'État. Et celles qui sont parties à l'étranger, aux États-Unis, ici, etc., ils n'ont jamais pu récupérer leurs biens. Mm. Donc, ça tombait dans les mains des, disons, intégristes islamiques, qu'eux, ils ont utilisé pour leurs films de propagande. Et comme je vous ai dit, petit à petit, il y avait les intellectuels iraniens qui sont un peu restés de côté. Ils ont commencé à réfléchir pour voir quel type de cinéma ils peuvent faire pour que ça sorte quand même. Et donc, à partir de là, surtout 84-85, donc il y a trois types de cinéma qui commencent à naître. Il y en a déjà un, celle de propagande islamique. Il y a une deuxième cinéma commercial qui existait avant, qui ressemble beaucoup au cinéma égyptiano-indien, hollywoodien, un mélange de trois choses. Et puis, il y a une troisième type de cinéma. Motafavet. Ce qu'on appelle ici cinéma motafavet, ou on appelle là-bas cinéma motafavet, et ici, on appelle cinéma d'auteur ou nouvelle cinéma vague. Cinéma d'auteur, cinéma différent, plus alternatif, on dirait. Exact. Et donc ça commence avec Naderi, Amir Naderi, qui est l'un des plus grands réalisateurs iraniens, avec Le Coureur, qui est ressorti récemment dans les salles ici en France. Et Kiarostami, qui avait commencé à faire des films plutôt pour les enfants. Abbas Kiarostami, qui est évidemment le plus grand cinéaste iranien depuis longtemps. Et celui-ci, d'abord, il a commencé par le centre éducatif des enfants qui s'appelle Kanoun. Et là, il était directeur de département de cinéma. Il a fait des films plutôt réalistes et plus proches de sujets sur les enfants. Et petit à petit, en 1988, il a fait « Où est la maison de mon ami ?» qui a fait connaître sur la scène internationale et surtout à partir de 92, même Kiarostami, il va à Cannes. Et c'est à partir de Cannes qui est un vrai tremplin, si vous voulez, pour le cinéma iranien dans le monde entier avec « Et la vie continue ». En 92, et il va recevoir la Palme d'Or pour « Le goût de la cerise » en 96. Oui, quelques années 97. Après, c'est-à-dire 97. Voilà. Alors, justement, si vous voulez, dans le cinéma Kiarostami, on peut dire que lui aussi, il est en trois épisodes de sa vie, trois parties de sa vie de cinéma. D'abord, il a fait des films sur les enfants, sur l'éducation des enfants, etc. À partir d'un moment donné, il devient adulte avec Close Up. Il fait des films sur les adultes. Et Et ensuite, après, il commence à faire des films sur la mort, c'est-à-dire dernière partie de la vie. Et dans tout ce domaine-là, dans tout ce chemin-là, il est toujours réussi. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, un vrai intellectuel dans le cinéma iranien. C'est peut-être presque le seul cinéaste iranien qui regarde les films d'une manière philosophique. Alors, on va beaucoup en parler aujourd'hui hein, de Kiarostami, notamment avec le film Close Up que vous avez cité et Le goût de la cerise. Je précise, vous dites c'est le plus grand cinéaste iranien, qu'il est également très connu à l'étranger. C'est le réalisateur américain Martin Scorsese qui le considère comme le plus grand réalisateur au monde, Dixit Scorsese. Hein, donc, ouais. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais ça veut dire que son rayonnement dépasse largement l'Iran. Mais avant d'en arriver à Kiarostami, quand même, on a ouvert cette émission avec un extrait de Salam Cinéma. C'est un film de Mohsen Makhmalbaf, qui date de 1995. Dites-nous qui est Makhmalbaf, parce que si Kiarostami est le plus connu, Makhmalbaf est bien le deuxième plus connu, non? Exact. Alors, Makhmalbaf, justement, étant donné qu'il était élevé dans un milieu très, très religieux, lui, il n'allait jamais au cinéma, pas avant la Révolution. Et même, il m'a raconté lui-même qu'en passant devant les salles de cinéma où on diffusait parfois les dialogues, la musique, tout ça, par les haut-parleurs qui étaient à l'extérieur, il bouchait carrément les oreilles pour ne pas entendre la musique à ce point-là. Et quand la Révolution arrive, il voit que le pouvoir de l'image, le pouvoir de cinéma, c'est quelque chose de fascinant. Donc, il va dans les archives de films à Téhéran, parce qu'il avait un grand pouvoir. Il était un des, disons, parmi les révolutionnaires, etc. Il avait les moyens, les gens, il respectait les gens de, proches de pouvoir. Et donc, il avait toutes les possibilités d'aller partout et regarder des films gratuitement dans les archives. À partir de là, il est devenu cinéaste autodidacte. Et il a commencé à faire des films. Et il se dit, pourquoi les autres, ils font des films et pas moi? Et donc, il a commencé à faire des films jusqu'au moment où il a fait le film qui s'appelle Salam Cinéma. Qui est une idée un peu folle quand même de ce casting qu'il propose à tout, à quiconque d'ailleurs serait intéressé, tous les citoyens qui sont censés venir passer un casting pour jouer dans son film. Le film dure 1h15, il est fulgurant. C'est vraiment, on n'a jamais vu ça au cinéma, l'air de rien, parce qu'on se demande si c'est un documentaire ou un film. Tous les films dont nous allons parler aujourd'hui, d'ailleurs, interrogent cette frontière entre la réalité et la fiction de manière très subtile. Le spectateur se sent toujours un peu piégé, quand même, on ne sait pas trop si on est en train d'être manipulé ou pas. Et l'extrait qu'on a entendu le donnait bien à saisir. Le succès que rencontre cette annonce, il filme les gens qui sont sur le bord, sur le point de s'entretuer en ouvrant la grille pour pénétrer dans le bâtiment. Et ensuite, le film est composé de successions de petites scènes où il caste les personnes qui sont là sans que ces personnes-là sachent qu'en fait, le film, c'est le casting. Ouais. Mais il est devenu tellement populaire en Iran, ces films-là, ça marchait à fond, et parce qu'il y avait d'autres types de gens, des intellectuels qui étaient contre lui parce qu'il était islamiste, et d'autres gens, d'autre part, il faisait des films dont le public il aimait énormément, les intellectuels, ils savaient pas comment prendre avec lui. Mais à un moment donné, ils ont commencé à se réconcilier. Du coup, il est devenu très populaire et il était très influencé, entre autres, par les films de Kiarostami. Et un jour, il a dit, bon, pour faire un petit test à quelques personnes pour mon film, Salam Cinéma, n'oublions pas que c'est en 1995, c'est-à-dire le centenaire du cinéma. C'est ça, c'est l'occasion du centenaire du cinéma. Il voulait rendre hommage au cinéma, celle qu'il avait boudée il y a un certain temps auparavant. Donc, il donne une toute petite publicité dans un journal minuscule en disant qu'il va recruter quelques personnes et ils ont photocopié environ une centaine de formulaires. Et puis, tout d'un coup, le jour venu, il y avait tellement de monde qui sont arrivés que lui, il l'attendait pas. Et même, j'ai entendu dire que le plus grand acteur iranien équivalent de Jean Gabin, lui-même, il était allé pour se présenter comme Mais on comprend, parce que en tant que spectateur, on ne sait pas si on assiste à un film ou un documentaire. On comprend qu'on est exactement entre les deux, mais que les images qu'on nous montre sont des images réelles. Ce ne sont pas des acteurs. C'est tout une vraie fait, foule avec qui pénètre dans la maison. Quelques caméras dans différents endroits. Et là où le film dépasse l'exercice de style et devient très troublant pour le spectateur, c'est qu'il part d'un présupposé. Ça, c'est Mac Malbaff qui le dit lui-même. C'est que le cinéma est cruel. Oui. Et tout ce à quoi on va assister, c'est à des scènes quand même de cruauté de la part d'un réalisateur qui joue son rôle, mais qui joue aussi le rôle de Mac Malbaff en train de jouer un autre rôle, en train de faire passer un casting, et qui va pousser dans leurs retranchements les plus lointains les personnes qu'il a devant lui, et il leur demande de faire des prestations qui nous mettent mal à l'aise, et on voit bien que ces personnes-là jouent leur vie. C'est là où c'est troublant, et on comprend que le cinéma, pour eux, c'est vraiment une question de survie. Alors, n'oublions pas une chose qui est extraordinaire, dans Close Up, il a joué aussi un peu de rôle. Donc le film de Kiarostami, qui était sur lui. Qui porte sur... Mais voilà, mais on va y venir dans un instant. Mais il montre à quel point le cinéma est populaire, c'est-à-dire que le cinéma est un phénomène incroyable dans la société iranienne, c'est qu'à cause du cinéma, Sabzian, le héros de film de Close Up, il va en prison, et grâce au cinéma, on le sort de la prison. Donc ça, ça montre la... Mais ça, c'est Close Up, oui. Ça, c'est le Close Up. Et donc, qui est l'enjeu dedans? C'est Mac Malbaff lui-même. C'est ça, tout à fait. Parce qu'il est devenu tellement populaire à la suite des films qu'il a fait, que quelqu'un qui lui ressemblait un peu, donc il a essayé de jouer Mac Malbaff. Alors, et il faut raconter... Oui, c'est ça. On va raconter l'histoire de Close Up. Donc, c'est en 1990, c'est 5 ans avant le film Salem Cinema. Donc, c'est réalisé par Abbas Kiarostami. Et l'histoire, le film part d'un fait divers. C'est ça, un jeune chômeur d'origine turque, Hossein Sabzian, qui a été emprisonné après avoir tenté d'escroquer une famille de la bourgeoisie de Téhéran. Tentative d'escroquerie, c'est du moins ce sur quoi porte son accusation, parce qu'il s'est fait passer pour Mohsen Mac Malbaff lui-même, auprès d'une femme qu'il rencontre dans un bus. Il est en train de lire le scénario d'un film qui est sorti récemment. Il se fait passer pour lui et il pousse le canular très loin, puisqu'il va se présenter à une famille donc de Téhéran en disant qu'il est Mac Malbaff, qu'il a besoin d'argent pour son tournage, etc. L'idée de génie de Kiarostami, c'est d'aller filmer cette personne lorsqu'elle sort de la prison, mais c'est d'aller le filmer pendant son procès. Exact. Donc on assiste à un film qui n'est pas de la fiction, mais qui est rejoué en partie, parce que le procès, c'est en temps réel, mais il l'a demandé à la personne elle-même, Hossein Sabzian, qui s'est fait passer pour Mac Malbaff, de rejouer les scènes d'imposture. Tout à fait. Alors c'est pourquoi il appelle close-up, parce qu'à un gros moment plan. Gros plan, close-up. À un moment donné, il met deux caméras, un long shot dans le procès, et il met un autre en close-up sur Sabzian. Et il lui dit, voilà, tout ce que tu penses que le tribunal, il va pas le croire, tu dis pour nous. Vraie vérité. Oui, c'est ça. Il arrive à faire un film en même temps que le procès a lieu. C'est ça. Et l'accusé va accepter de jouer son propre rôle. Parce que lui, il est tellement fou de cinéma que quand un réalisateur comme Kiarostami lui demande de ça, il le fait. C'est incroyable comme expérience. On va entendre tout de suite un extrait de ce Hossein Sabzian qui joue son propre rôle. Il est pendant le procès, alors Kiarostami a avoué, parce que lui aussi pense que le cinéma est cruel et que tous les cinéastes sont des menteurs et manipulateurs, ce sont ses termes. Exact. Il a avoué qu'il avait fait jouer, ou plutôt interroger ce personnage, même quand le juge était parti, que le procès devait durer 1 heure, qu'il l'a fait durer 8 ou 9 heures, parce qu'il lui posait des questions face caméra. Écoutez ce que dit l'accusé. Ce sont ces termes qu'on a doublés pour les moyens de cette émission, que Louis Servet de l'équipe des Chemins de la Philosophie a doublé pour qu'on puisse comprendre la teneur de ces propos qui sont vraiment émouvants. Écoutez. خب حالا فکر میکنی که به عنوان یک بازیگر توانایی بیشتر داری برای بازی یا به عنوان یک فیلمساز؟ اگه توی نقش یک فیلمساز رفتی؟ من جسارت نمیکنم اما J'aime mieux être acteur que réalisateur. Je crois que je pourrais jouer toutes les mauvaises expériences et toutes les privations que j'ai ressenties au fond de mon être. J'aimerais croire que je pourrais faire passer ces émotions à travers le jeu d'acteur. Devant la caméra, en ce moment, je ne suis pas occupé à jouer. Je parle de mes souffrances. Ce n'est pas de la comédie. Je parle le langage de mon cœur. Pour moi, l'art est le développement de ce qu'on ressent à l'intérieur. Tolstoï a dit, l'art est une expérience sentimentale que l'artiste développe en lui-même et transmet aux autres. Je crois que mes expériences de souffrance et de privation sont à même de me fournir les bases nécessaires pour devenir un bon acteur. J'aimerais exprimer ma réalité intérieure. Si j'ai joué le rôle d'un cinéaste plutôt que d'un acteur, c'est que jouer le rôle d'un réalisateur est une performance d'acteur. Pour moi, c'est une performance d'acteur. Le rôle que j'aimerais jouer, c'est le mien. L'accusé est-il fou ou génial ? Les deux sans doute. Ce qui est sûr, c'est qu'il a absolument compris que sa propre vie consistait à jouer un rôle qu'il a du mal à jouer parce qu'on apprend qu'il est chômeur, qu'il manque d'argent, qu'il galère dans sa propre vie, et qu'il décide donc de jouer un rôle et de jouer le rôle d'un réalisateur parce que la vie sera plus confortable s'il joue ce rôle-là et pas le rôle d'un simple acteur. C'est assez fascinant quand même de l'entendre parler de son expérience comme s'il l'avait théorisé toute sa vie, alors qu'en fait il a juste tenté une expérience mais sans préméditation. Ahmad Arirat. Oui, mais ce qui est extraordinaire justement, c'est que ce type-là, Hossein Sabzian, il n'a pas choisi une autre personne, mais il a choisi quelqu'un qui fait du cinéma. Mac Malbaf, que tout le monde connaît en plus. Que tout le monde connaît. Et donc ça c'est fou de pouvoir se mettre dans la peau de ce personnage que tout le monde connaît. Et pourtant, il n'avait pas peur, donc il voulait aller jusqu'au bout. Il y a un double jeu, si vous voulez, de ce côté-là. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, c'est qu'on a remarqué depuis surtout une vingtaine, trentaine d'années que le cinéma iranien tourne dans l'urgence. Ils ont besoin de filmer immédiatement. Par exemple, même ce film-là, Close Up, Kiarostami, avec son équipe, il était en train de partir, de faire un autre film. Il avait tout le matériel, tout, dans une école. Et son film s'appelait « L'argent de poche ». C'était tout, était organisé, prévu, etc. Et sur le chemin, d'après ce qu'il m'a raconté, sur le chemin, il prend un journal et il lit un article à propos de faux Mac Malbaf. Alors, il était fasciné par ce type, parce que lui-même, c'est un incroyable personne. Lui-même, il aimerait découvrir la réalité et de montrer à sa propre manière Kiarostami. Donc, du coup, il demande au chauffeur, au lieu d'aller sur le lieu de tournage pour tourner l'argent de poche, d'aller en prison directement là où se trouvait Mac Malbaf. D'ailleurs, la première scène qu'il a tournée, c'est dans le prison. Et c'est après qu'il tourne le reste et il fait le montage et tout. Je me souviens qu'on était avec Serge Danet à Téhéran quand on a vu ce film-là. Moi, je suis sorti de la salle à la fin du film et j'ai pleuré tellement que j'ai commencé à laver le visage et tout. Et Serge, il est venu vers moi, il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, ben, j'avais tellement souci et peur pour ce personnage si réel que j'arrivais pas. Mais il est pas. Réel. Oui, il est pas en train de jouer, alors il est tout le temps en train de jouer, justement, comme nous tous. Justement, j'arrivais pas à me retenir. Ouais. Et Serge, c'est à ce moment-là que Serge Danet, il a dit, en Iran, on dit que les gens sont croyants, mais moi, plutôt, je crois à Kiarostami. Il est le vrai croyant de cinéma. C'est vrai. C'est vrai, en tout cas, c'est ce qui ressort dans ses écrits et dans son cinéma. Ce qu'il y a d'assez fascinant dans ce film-là, comme dans Salem Cinema, dont on a dit deux mots, de Mac Malbaf cette fois-ci, c'est que dans les deux cas, le cinéma semble être une question de survie. Dans Salem Cinema, on assiste à une scène d'une fille qui dit « Mais moi, je ne veux pas passer un casting pour faire du cinéma, c'est simplement parce que je suis amoureuse d'un homme qui a dû partir en France, qui a été exilé parce que nos familles s'opposaient à notre mariage. La meilleure façon que j'ai trouvée d'aller le rejoindre en France, c'est de jouer dans votre film pour aller au Festival de Cannes. Bon, elle réussit son coup parce que non seulement elle fait partie du film, mais ensuite Mac Malbaf l'embauche pour un rôle dans son prochain film. Et là, c'est pareil, finalement, ce jeune homme qui est perdu, qui est au chômage, qui n'a pas d'argent, il se fait passer pour un réalisateur très connu. Et donc, il veut épouser le milieu du cinéma pour s'en sortir. Exact. Et ça, on a remarqué dans plein d'autres films iraniens qu'ils tournent dans l'urgence. On revient souvent sur cette même problématique cinéma qui vient sauver la société. Oui, par exemple, Panahi aussi, c'est quelqu'un d'autre, un autre cinéaste qui fait souvent à la manière que Rostami ses films. D'ailleurs, il vient terminer un film qui va éventuellement être à Berlin. Mais bon, pour revenir à Rostami, il est tellement extraordinaire que, comme dans un poésie iranien de Maulana qui disait que la vérité est comme une miroir qui est tombée par terre et qui s'est cassée. Chacun prend un morceau et il voit sa propre vérité dans cette vérité unique qui est maintenant cassée et chacun voit dans sa propre vérité, dans ce morceau de miroir. Donc Kiarostami, il présente chacun de ses personnages et de montrer sa propre vérité à lui. Donc il y a plusieurs vérités, comme Sabzian, il a souvent menti en même temps pendant le tournage, parce qu'il a raconté après à un journaliste que tout ce qu'il a raconté c'était un peu de cinéma. Donc il n'a pas dit vraiment toute la vérité non plus. Pour Close Up, écrit Kiarostami, dès que j'ai lu l'article sur cette imposture dans Sorosh Magazine, la personnalité de Sabzian m'a attiré. Son histoire m'a impressionné et je me suis dit qu'il serait intéressant de lui consacrer un film. Les mises en abîme dans les films et dans ce film sont moins une réflexion sur le cinéma que sur le rôle de l'art en général, cinéma compris. Dans Close Up, je décris le face-à-face de l'art et de la loi. Je pense que les législateurs n'ont pas suffisamment de temps pour prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain. Mais l'art dispose de plus de temps. Il a plus de patience. C'est pourquoi le dispositif du film repose sur deux caméras. La caméra de la loi, qui montre le tribunal et décrit le procès en termes juridiques, pour ainsi dire, et la caméra de l'art, qui s'approche de l'être humain pour le voir en gros plan, pour regarder plus profondément l'accusé, ses motivations, sa souffrance. C'est le travail et la responsabilité de l'art de regarder les choses de plus près et de faire réfléchir, de prêter attention aux hommes et d'apprendre à ne pas les juger trop vite. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du cinéma en Iran aujourd'hui en compagnie de Mamad Arirat. D'ailleurs, vous parliez de la vérité. Votre nom signifie vérité en persan, oui. N'est-ce pas? Donc vous savez de quoi vous parlez, enfin. Presque. Ou alors, si vous êtes, comme vous êtes réalisateur vous aussi, vous savez que tous les réalisateurs sont mettent en scène des mensonges et sont eux-mêmes menteurs, pour reprendre les mots de Kiarostami, dont je viens de lire un texte. Mm-hmm. Alors là, c'est vraiment passionnant de voir comment lui-même théorise ce qu'il a fait. Les deux caméras, c'est celle de la loi et celle de l'art, qui l'opposent absolument et qui pourtant il réunit en un seul film. C'est un procédé qu'on voit souvent dans le cinéma iranien, l'importance des juges et des tribunaux. Exact. Comme un contrepoint nécessaire. Et d'ailleurs, avant la révolution, on n'a jamais filmé les religieux. À partir de après la révolution, quand Khomeini il a officialisé, disons, le cinéma, il y a plein de cinéastes iraniens qui osent de faire des films sur les mollahs, les turbans, les religieux et tout. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Par exemple, dans un film qui s'appelle « Sous éclair de la lune », un réalisateur, il prend tout ce film se repose sur un religieux. Et avant, jamais caméra ne pouvait pas entrer dans l'intimité des religieux en Iran. Ça veut dire qu'il y a moins ou plus de censure? C'est-à-dire, ils ont compris qu'ils sont contents de voir leur propre image à l'écran. Avant, ils avaient peur. Ça, Kiarostami en parle très bien. Il s'étonne que pour son film, si on reste encore un instant sur Close Up, les personnages aient accepté de jouer leur propre rôle. Ceux qui se sont fait escroquer, il allait les revoir en disant « j'aimerais rejouer cette scène pour les besoins de mon film ». Et ils ont accepté. Oui. Et Kiarostami dit « j'avais peur qu'ils ne voudraient pas revivre cette escroquerie, mais j'ai compris plus tard que s'ils acceptaient de jouer, y compris un rôle négatif, dans le cas de Sabzian, à partir du moment où leur image est enregistrée, ils étaient d'accord. Pour parodier le cogito ergo sum de Descartes, je dirais « j'ai une image, donc je suis ». Que serait le monde? Quelle vision aurions-nous de nous-mêmes s'il n'existait pas cette possibilité d'offrir à chacun son reflet? Que ce soit par le biais d'une photo, d'un miroir ou d'un reflet dans l'eau, tout le monde a envie et besoin de voir son image, car elle seule nous permet de croire en nous et de prendre conscience de notre existence. Parfaitement. C'est une dimension métaphysique du cinéma, là. Tout à fait. Il a parfaitement compris l'être humain, les religions, l'art et tout à la fois. C'est pourquoi, pour moi, il est le cinéaste le plus intellectuel, le plus philosophe de cinéma iranien, Kiarostami. Et lui, il a toujours, tant qu'il n'a pas un vrai souci, un vrai problème, il filme pas comme les autres. Tandis que tous les autres cinéastes, ils ont envie de faire un film, que ça soit Scorsese, que ça soit cinéaste iranien, etc. Mais lui, non. Tant qu'il n'a pas un vrai souci qui vit pas en lui, il va pas faire un film. Il filme quand il a un problème? Oui. Pas un problème, un souci, un de souci. Quelque chose qui réfléchit, qui le fait réfléchir. Par exemple, au moment où, vers la fin de période de Rafsanjani, qui était président de la République, il y avait énormément d'assassinats en série en Iran, et que les intellectuels, ils étaient très désespérés, Kiarostami, il fait partie des intellectuels iraniens, et c'est justement à ce moment-là qu'il va s'approcher à faire un film qui s'appelle Le goût de la cerise, qui est un film absolument magnifique et qui parle vraiment de la situation actuelle, c'est-à-dire de la situation au moment où 1996, le tournage. Voilà, oui. Au moment où il a fait ce film-là. Ça, c'est le reflet de la société iranienne de l'époque. Donc lui, il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait parce que c'était le reflet de tous les gens désespérés qui voulaient se suicider. Et il y avait beaucoup d'intellectuels dedans parce que on a tué pas mal de gens, des assassinats en série, etc., des écrivains, des intellos, etc. Et c'est à ce moment-là que l'idée est revenue pour Kiarostami. C'est devenu un souci ou un vrai problème. Et il a commencé à écrire et il a fait ce film-là. Un jour au téléphone, il m'a dit, Ahmad, voilà, je veux faire un film sur quelqu'un qui veut se suicider. Et j'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, je sais pas. Je savais que lui, il savait, mais il m'a dit au téléphone, je ne sais pas, on verra. S'il savait, il n'aurait pas fait de film d'ailleurs. Ah voilà. Et donc, il a fait Le goût de la cerise, qui est un des meilleurs films de lui, qui a obtenu, comme vous avez dit, la Palme d'Or. C'est le seul Palme d'Or du cinéma iranien jusqu'à présent que ce cinéma a eu. Il est, là où il est très fort, c'est que même si la réflexion ou le goût du problème, du souci, précède la réalisation, il n'est jamais didactique dans ses films. Il ne nous fait jamais la leçon, on ne se dit pas, tiens, c'est un cinéma intellectuel qui met en scène des intellectuels. Pas du tout. Il n'y a aucun jugement. Justement. Et que un art de la mise en scène exceptionnel dans Le goût de la cerise, cet homme qui se pose des questions sur son existence, on ne sait pas trop ce que c'est au début, et dans sa voiture, il va faire des rencontres et parler à des gens. Et le spectateur met longtemps avant de comprendre ce qu'il veut demander à ces hommes qu'il fait montrer dans la voiture. On se demande au début si c'est pas des avances sexuelles d'ailleurs, et on comprend au bout de 20 minutes qu'en fait il essaye de trouver quelqu'un qui accepterait de venir l'enterrer après que lui se soit donné la mort au petit matin. Oui, et ça vient de la pensée iranienne qui est mélangée avec pensée religieuse musulmane et tout, parce que chaque musulman il souhaite qu'il soit enterré et qu'on verse de terre sur lui. C'est une sorte de rituel ou quelque chose de croyant. Et c'est dans le film, on rencontre plusieurs personnes. On voit plusieurs personnes qui représentent plusieurs images de la société iranienne. Par exemple, le soldat, il représente un peu l'armée. Le séminaire, il représente un religieux, le séminariste, le jeune homme. Et puis il y a d'autres gens, et justement c'est le type religieux qui voulait d'une manière lui dire qu'il voulait l'amener dans le droit chemin en disant non, il ne faut pas se suicider, c'est écrit dans le Coran, c'est etc. C'est ça, le suicide est interdit en Iran. Oui, ce film est interdit, et d'ailleurs dans un article dans le code de censure, c'est précisé qu'on n'a pas le droit de faire des films sur le suicide. Ah oui. Donc le suicide est interdit, ce qui est un peu oui. contradictoire. Et alors justement, il y a un moment donné quand le mollah, il voulait comme, d'une manière le conduire vers le bon chemin en disant il ne faut pas le faire, etc. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il lui répond, le protagoniste du film? Il dit, je n'ai pas besoin de ta langue, j'ai besoin de tes mains. C'est-à-dire, c'est pas ça. La peine de me dicter ta pensée. Donc lui, là, on voit qu'il est laïque. Donc il ne veut pas écouter les religions. Donc il veut faire ce qu'il veut. Comme il a dit un jour dans une interview, quand on est venu au monde, c'était pas nous qu'on a décidé. Mais pour partir, c'est nous, être humain, qui peut décider. Donc moi, je veux profiter de mon pouvoir de décider de me tuer. Donc. Parmi les discussions qu'il va avoir dans sa voiture, hein, à travers des paysages magnifiques, une des plus belles sans doute, qui en plus va donner son titre au film, c'est celle avec entre Monsieur Badi, donc le protagoniste principal, et Monsieur Bagheri, oui. Qui va lui avancer certains arguments. Il n'essaye pas de le convaincre, il lui parle de son expérience. Écoutez cette scène, là encore, que nous avons doublée pour les besoins de cette émission. Tournez à gauche, s'il vous plaît. Je connais cette route. Elle est meilleure et plus belle. Laisse-moi te raconter un souvenir. C'était au début de mon mariage. On a eu toutes sortes de malheurs. J'en étais tellement là que j'avais décidé d'en finir avec cette vie. Un matin, avant l'aube, j'ai pris une corde dans ma voiture. J'étais déterminé, je voulais me suicider. Je suis parti vers Miami. C'était en 1960. Je suis arrivé dans les plantations de mûriers blancs. Je me suis arrêté. Il faisait encore sombre. J'ai lancé la corde sur un arbre, mais elle ne s'est pas accrochée. J'ai essayé une fois, deux fois, sans résultat. Alors j'ai grimpé sur l'arbre et j'ai bien accroché la corde. Là, j'ai senti quelque chose de doux sous ma main. C'était des mûres délicieusement sucrées. J'en ai mangé une, succulente, puis une deuxième, une troisième. Soudain, j'ai remarqué que le soleil se levait au sommet de la montagne. Quel soleil, quel paysage, quelle verdure. Tout à coup, j'ai entendu les écoliers qui allaient en classe. Ils se sont arrêtés pour me regarder. Ils m'ont demandé de secouer l'arbre. Les mûres tombaient et ils les mangeaient. Je me sentais heureux. Puis j'ai ramassé des mûres pour les rapporter à la maison. Ma femme dormait encore. À son réveil, elle a mangé des mûres aussi. Elle en a éprouvé du plaisir, elle aussi. J'étais parti pour me suicider. Je suis revenu avec des mûres. Une mûre m'a sauvé la vie. Une mûre m'a sauvé la vie. Ce goût pour la mûre, ce goût pour la cerise, qu'il décrit un peu plus tard dans le film, c'est ce qui lui sauve la vie. La réconciliation avec l'existence passe pas par une idée ou un argument, mais par un goût. C'est ça qui est très fort. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, on pense que lui, il veut faire un film sur la mort. Mais non, il fait un film sur la vie, en évoquant la mort, mais il part de la vie, et le douceur de la vie, et l'importance et la vivalité de la vie. Donc, même dans le film suivant qu'il a fait, qui s'appelle « Le vent nous emportera », c'est pareil, il part de la mort. Mais en fait, il filme la vie et la beauté de la vie et il encourage les gens d'aller vivre ce qui était d'ailleurs cité dans la poésie de Khayyam. Il était inspiré donc de poésie de Khayyam. D'ailleurs, je vous signale que surtout depuis la révolution islamique ou la révolution tout court, plein de films iraniens sont inspirés de la poésie persane qui date depuis au moins, je sais pas, plusieurs siècles. Et indirectement et directement, ils sont influencés par la poésie persane, dont surtout Kiarostami, qui est le maître de ça. Et d'ailleurs, dans plusieurs titres de ces films-là, il emprunte de la poésie de tel ou tel poète. Comme « Où est la maison de mon ami ?», c'est pareil, c'est à partir de la poésie de Sohrab Sepehri, qui est un grand poète contemporain, ou un autre de Farrokh Farrokhzad, qui est une poétesse extrêmement importante et qui était aussi cinéaste. « Le vent nous emportera », c'était inspiré d'une poésie donc de cette poétesse. Et puis dans d'autres domaines, il était souvent inspiré de la poésie en persan, même dans les choses très quotidiennes. Et il ne filme pas les choses en brut, si vous voulez. C'est avec douceur dans tous ses films. Dans « Où est la maison de mon ami ?», vous voyez qu'il est vraiment très doux, très proche de la poésie, poésie de la vie. Même les gens analphabètes en Iran, ils connaissent plein de poésie par cœur. Ils citent des poésies dans la rue, quand, dans leurs conversations, même un boucher, un boulanger, tout ça. Parfois, ça arrive qu'ils sortent tout de suite une verre. Mais le défi, c'est de savoir comment montrer ça à l'écran. Oui. Parce qu'il ne fait pas du tout du théâtre filmé, c'est pas de la poésie récitée et filmée. C'est à l'inverse de ça, la poésie se dégage de son image, exact, de son sens des plans. Ouais. En l'occurrence, dans Le goût de la cerise, cette voiture que l'on suit qui fait... Ouais. Encore et encore le même circuit avec une personne différente, il y a quelque chose de répétitif, comme une ritournelle qui tourne en rond mais qui essaye d'avancer à chaque fois. Mais alors dans un article que j'ai écrit à propos justement de Goût de la cerise, à mon avis, c'est plutôt un cinéaste de la culture musulmane qui pouvait donner une certaine mise en scène de, qui est... une cercle, si vous voulez. Mmh. Parce qu'il a un trou, c'est-à-dire le tombe, et il prend les gens, il fait un tour et il tourne autour de ce tombe pour aller dedans. C'est comme un papillon qui tourne autour d'un bougie pour s'enflammer. Ou comme les musulmans qui tournent autour de la Mecque pour arriver au monde au-delà d'une manière d'arriver à un extase spirituel, tout ce que vous voulez. Toute sa mise en scène, j'ai parlé un jour de ça avec Kiarostami dans un interview que j'ai fait avec lui, il a dit c'est exactement ça, mais j'avais pas pensé au moment où je faisais des films. Mmh. Et tu as bien trouvé, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce type qui veut suicider, qui veut mourir d'une manière, c'est pour arriver à une autre étape vers là-haut. En fait, c'est pas un mort physique, peut-être, mais il voulait se débarrasser de ce monde qui est là autour de lui à cause de la situation du moment où le film a été tourné, c'est-à-dire au moment de la répression totale, au moment où il y avait des assassinats en série. Donc c'est une ambiance du pays aussi qu'il retranscrit dans ce film, exact, à travers ce personnage. Oui, oui. Mais évidemment, il dit pas ouvertement. Sa poésie, c'est son art de ne pas dire avec des slogans, avec des phrases très ouvertes, si vous voulez. Est-ce que c'est à nous de découvrir, si vous voulez. Mais, jusqu'à la fin, ou la fin qui reste ouverte, qu'on ne va pas révéler ici, mais disons qu'elle reste ouverte. Exact. Ce qui est un geste très surprenant, avec un écran qui reste noir pendant plus d'une minute. Oui. Et à nouveau, on revoit encore M. Badii, qui est en train de se promener à côté des soldats qui se reposent. Et c'est une autre période de l'année, hein, Kiarostami le dit bien. Il avait tourné tout le film en hiver, à un moment où même le paysage montrait une mort très présente. Et les deux dernières minutes, la toute dernière scène du film montre au contraire, comme avec un saut temporel, on ne sait pas si on est avant ou après, un paysage au printemps, avec une mélodie d'ailleurs de jazz qui est Summertime, le classique de jazz qui est repris. Et la vie est là, la vie est partout. Mais autour justement, de, à ce passage de ce film, lui-même, il m'a dit qu'il était aussi influencé toujours par la poésie de Khayyam. C'est ça. Qu'il faut penser à l'instant et la vie maintenant. Oui, il dit à propos de la poésie de Omar Khayyam, la vie selon lui passe tellement vite qu'il ne faut pas perdre un instant pour prendre du bon temps. Le plaisir de l'instant est notre finalité sur Terre, du moins tant que personne ne revient de l'autre monde pour nous dire qu'il était mauvais de boire. Mais c'est une provocation directe, Isla, oui, à l'égard de la religion, oui, et peut-être oui, même du régime en place, oui, non oui. Comment ce film a-t-il été reçu en Iran? Ben, les religieux, ils n'ont pas tellement aimé. Mais bon. Mais il est produit en Iran en même temps, le oui, film. Oui, oui, oui. Mais quand on lui pose la question, par exemple, les responsables de la censure, ils disent c'est pas moi qui a dit, c'est Khayyam. Khayyam, c'est un immense poète, on ne peut pas le toucher. C'est comme. Victor Hugo. Oui, comme une montagne énorme, vous ne pouvez pas le toucher. Donc, il dit c'est pas moi, c'est lui. Donc, il se débarrasse. Mais est-ce que le cinéma de Kiarostami est aussi connu en Iran qu'il l'est en France, par exemple? Non. Ou en Europe? Non, malheureusement, il y a, à part où est la maison de mon ami, quoi, au moment même où il a fait, il est sorti. Après, il a eu souvent des problèmes pour sortir ses films. Et surtout pour Le goût de la cerise, qui a eu énormément de problèmes, pour Le vent nous emportera, etc. Parfois, il sortait dans une salle ou deux salles, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce qu'on ne laissait pas faire des publicités pour le film, etc. Et plutôt, c'est un film, disons, intellectuel, quand même. Donc voilà, la population là-bas, la majorité, ils vont voir des films, un grand public, des films, comme ici ou ailleurs. Pour moi, tout provient du questionnement, qui est une forme de curiosité. Si l'on se réfère aux psychologues ou aux psychanalystes, poser des questions consiste à faire advenir l'inconscient au conscient. Eh bien, le cinéma peut parfois, à sa manière, massive, populaire, rivaliser avec la psychanalyse. Si seulement ce film pouvait permettre, par exemple, d'éviter un suicide, non parce que la religion l'interdit, mais parce que le spectateur prendrait conscience de la valeur de la vie. 70% des individus ont déjà pensé au moins une fois à se donner la mort. Si ce film pouvait apporter, au bon moment, quelques réponses à celui qui pensait au suicide, j'aurais créé, et ce spectateur singulier avec moi, du positif, à partir du négatif. Avec la fin que j'ai choisie, c'est à l'imagination du spectateur de conclure. Statistiquement, sur 18 cas de suicide, 17 tentatives échouent. C'est donc la réussite qui m'intéresse le plus, et c'est d'elle que j'aurais envie le plus de parler. Mais je ne voulais pas réaliser une tragédie. Alors j'ai décidé d'adjoindre cet épilogue en vidéo, dont le support même le distingue de ce qui précède. Pour moi, le film se termine dans la nuit noire. La suite est raccrochée au film comme un post-scriptum peut conclure un roman. C'est pas vraiment du cinéma dans le cinéma ou une mise en abîme, mais un épilogue qui montre simplement que quoi qu'il soit advenu du personnage principal, la vie continue. Mamad Arirat, à la suite des émissions que nous avons faites cette semaine, toutes sur l'Iran, les philosophies de l'Iran, on a beaucoup parlé de la lumière, de l'importance de la lumière. Et ce qui me frappe en lisant ce texte de Kiarostami lui-même et la suite qui parle justement dans l'écran noir qu'il décide de faire et la lumière qui revient, c'est qu'en fait, même si lui ne se situe pas du tout dans une perspective religieuse, on retrouve l'importance de la lumière. Qu'est-ce que le cinéma, si ce n'est l'art de la lumière, justement? Exact. C'est parfaitement vrai. Mais justement, quand il est allé à Lyon, on l'a demandé de faire un film sur les lumières. Pas la lumière, mais les lumières. Les frères Lumière. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il a tourné un court-métrage d'une minute à peu près là-bas. Mais je voulais revenir sur l'influence de Kiarostami. Lui-même, il était un peu influencé par un autre grand cinéaste iranien qui s'appelle Sohrab Shahisaleh, qui est mort il y a quelques années, une vingtaine d'années. Et par contre, lui-même, il a influencé plein de cinéastes iraniens, surtout ses assistants. Comme Bahman Robadi, qui a fait les chats persans, comme Jafar Panahi et plein d'autres. Et pendant une longue période, si vous voulez, il y a beaucoup de cinéastes iraniens qui ont fait des films à la manière kiarostamienne et qui est allé à droite, à gauche, à Cannes, dans d'autres festivals qui sont sortis ici. Parmi ses assistants les plus connus, c'est Bahman Robadi et Jafar Panahi. Alors Bahman Robadi, justement, j'ai parlé tout à l'heure dans l'urgence. Mmh. Ils ont besoin de faire des films sur ce qui se passe vraiment tout de suite. Et Robadi, il a fait un film qui s'appelle Les chats persans. Alors Les chats persans, lui, il a senti que la jeune génération iranienne est étouffée. Il ne peut pas en respirer. Du coup, pour jouer de la musique, ils étaient obligés d'aller en sous-sol, souterrain, et si, comme cinéma underground, ils ont fait de la musique underground. Voilà, c'est un film sur la vie musicale et, underground de Téhéran. Et puis, évidemment, ils n'avaient pas l'autorisation. Ils ne pouvaient pas attendre à avoir l'autorisation. Du coup, il a utilisé l'autorisation d'un ami pour un autre film. Et il est allé tourner à toute vitesse, en 17 jours, un film qui est, pour moi, magnifique. Et dès que j'ai vu le premier jour où il m'a amené le film, j'ai appelé immédiatement Thierry Frémont. Et j'ai dit, voilà, voici un... Thierry Frémont, qui est directeur de Festival de Cannes. J'ai dit, voilà, j'ai quelque chose de génial pour toi et j'aimerais que tu vois dès que tu peux. Et voilà. On va se quitter alors avec la chanson des chats persans. Un dernier mot quand même, une dernière question, Mamad Arirat. Existe-t-il des femmes cinéastes iraniennes? Beaucoup. On en entend moins parler. Ah, il y en a beaucoup de femmes. Il y en a plus qu'en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, mais pas en France. Mais en France, on a énormément de femmes cinéastes, femmes évidemment. Mais en Iran, actuellement, il y a environ entre 20-25 cinéastes femmes qui font des films, et souvent des bons films. Et il est possible qu'on verra un des films d'une jeune réalisatrice iranienne à Cannes de 2018. Bien, vous reviendrez en parler à ce micro alors, Mamad Arirat. کیم یه در به در گم شده یه محله ها پشت پا خورده ترین صدای شهر بی صدا از کجا جنوب شهر اونجا که بن‌بست نفس اونجا که خواب و خیال زندونی میشه تو قفص وسط یه زب دارم خونه به دوش و خسته توی چار راهی که از چار طرف بمبسته وسط یه زب دارم خونه به دوش و خسته توی چار راهی که از چهار طرف بمبسته من کیم. Et voilà la chanson des chats persans pour terminer cette émission. Merci à vous, Mamad Arirat, d'être venue nous parler du cinéma iranien aujourd'hui. J'en profite pour rappeler que vous avez écrit un livre sur l'histoire du cinéma iranien jusqu'en 1999, édité par le Centre Georges Pompidou. Ce livre a une suite de 99 à aujourd'hui, et cette suite passionnante, je n'en ai aucun doute, si c'est aussi intéressant que le premier volume, cherche un éditeur. Exact. L'appel est lancé, on transmettra les offres. Hein, on vous les transmettra. Merci, merci à vous. Vous allez avoir 10% alors sur le... C'est vrai ? Oui. Bon, on en parlera hors micro. D'accord. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, gardons les discussions d'argent pour après. Il est temps, grand temps, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité. Quelle est l'actualité, quelle est votre actualité du jour ? Bien, c'est un dictionnaire. Alors, il y en a beaucoup qui sont parus depuis septembre. Dictionnaire de la psychanalyse, dictionnaire du conservatisme ou encore dictionnaire des biens communs. Mais celui qui a retenu mon attention aujourd'hui, c'est le Dicoru de Thierry Pacaud qui est sorti aux éditions du CNRS, ou le vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains. Alors il a retenu mon attention parce qu'une question me travaille depuis longtemps. Peut-on parler d'une philosophie de la rue ? Certes, certaines philosophies antiques s'y faisaient, en marchant et à la rencontre de tous, mais comme on parle aujourd'hui d'une école de la rue avec d'autres codes, d'autres enseignements, peut-on parler non pas d'une pensée sur la rue ou qui a seulement lieu dans la rue, mais peut-on parler d'une philosophie de la rue issue, surgie de ses coins et recoins, imprégnée de son ambiance, et alors laquelle ? De A comme abribus, je cite ces mini-stations sans réelle qualité d'accueil, à Z comme zone, ceinture faite de zoniers puis de zonards, en passant par 178 entrées, évidentes pour un dictionnaire urbain comme boulevard, square, taxi, ou plus détonnantes mais qui ont effectivement cours dans les rues comme pisser, chewing-gum ou guérilla urbaine et même guérilla jardinière, le philosophe Thierry Pacaud fusionne et partage son amour de l'espace urbain et des dictionnaires. Alors je dois dire que je partage aussi cet amour des dictionnaires. Dans mon cas, c'est parce que leur exigence n'oblige pas la nôtre, on n'est jamais forcé de les finir. Mais pour Thierry Pacaud, c'est parce que chaque entrée est comme un petit poème. Et c'est vrai, d'autant plus quand il s'agit de lieux devenus typiques, mythiques et poétiques, comme un café, une fontaine ou un gratte-ciel. Ce qui est alors intéressant, c'est que ce Dicoru est aussi un point de vue, une promenade personnelle du choix des entrées à leur traitement, avec des références musicales, bibliographiques ou cinématographiques. Et il y a quelque chose de subjectif et d'irrévérencieux qui contredit la visée objective et solennelle de tout dictionnaire. À le lire, on se croirait presque avec Baudelaire et son alchimie de la boue, d'où ma question, s'il y a une philosophie de la rue qu'un tel dictionnaire pourrait proposer, comment l'entendre non pas comme une pensée sur la rue, qu'il la décrirait dans ses méandres, mais comme une pensée, notre pensée surgit et faite de la rue, qui en garderait ainsi les bruits, les traces, la beauté et la saleté, l'atmosphère. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi ? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me prête d'atmosphère. Ici, l'atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Quand l'air de la rue asphyxie, c'était, vous l'avez bien sûr reconnu, les voix de Louis Jouvet et Arletty dans Hôtel du Nord. Et c'est peut-être là un début de philosophie de la rue. Une tension entre des milieux que l'on parcourt sans cesse et que l'on ne voit plus. On parle ainsi de villes déshumanisées, mais qui tout à coup se rappellent à nous et de manière extraordinaire avec cette odeur qui nous insupporte, ces bruits qui nous entêtent et cette foule qui nous étouffe. Dans l'entrée charme, Thierry Pacaud le souligne, si la rue n'a rien de charmant, sauf à la rendre charmante et à en faire une carte postale, mais du coup cliché et à distance, elle a malgré tout quelque chose du charme qui nous envoûte. Et tel un dictionnaire, sans début ni fin, la rue elle aussi charme. On se déplace à travers un centre-ville tout autant que ces rues nous déplacent et nous décentrent. Celles-ci nous portent, nous endorment, détournent nos sens et tracent nos directions. Elles incorporent ainsi nos âmes et nos gestes, nos mémoires, presque malgré nous. Qui n'a pas en effet un souvenir lié à un banc, à une place, à un métro qui tout à coup ressurgit et qui nous rappelle qu'on traverse la ville autant qu'elle nous traverse. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous.